Bon, qui propose une chanson? Force, force, force, cette forme. festin, qu'on m'enlève ce qui va et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. On m'a trop donné, bien avant envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font que l'envie de vivre et le plaisir aussi, que me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. C'est quoi un si bémol? Bah si, il y a marqué si bémol. C'est quoi le si bémol? Moi d'oreille, ça fait fa. C'est quoi un si bémol? Mec nul. Laura, il y a tant de gens que je ne suis pas. Ah mais je sais pas y jouer comme ça, ouais. Je vais jouer 1, 2, 3, 4, 5, en 6ème case. Gros feignant moi. J'arrive pas à jouer. Laura, mais... Laura, y a tant que je ne suis pas, tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Oh, Laura, j'aurais tant d'apprendre de toi, tous ces mots tendres qu'on sait. Je ne le sais pas. J'ai poussé mon esprit sans abri ni foi ni loi. Tout qui m'a pris était à moi. Tes caresses ont souvent passé mon. Do spécial célibataire, le visage. visage, pas les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Pourquoi je suis pas carré là? Quand je pars sur le 1, je suis pas carré. Alors il y a combien de mesures? Do, fa, sol, mi, mineur, la mineur, sol. Pourquoi c'est pas carré? Non, arrête Philippe, t'as pas pu faire ça. Moi je lui ai filé un CD avec des compos et je crois qu'il n'en a rien à branler. Enfin j'avais filé un CD à son bassiste. Thank you. de préférence quand le démon de la danse. Thank you. Thank you.